Chapitre 37. L'espace, système Elfrona. L'Oden Greatstorm sollicita un peu plus durement son vector, accélérant à travers le vide en direction du vaisseau Nil endommagé, tandis que le globe rouille et argenté d'Elfrona s'éloignait derrière eux. Il sentit Indira faire de même à bord de son propre vaisseau. Ils y étaient presque. Le Jedi savait que pour passer en hyperespace sans danger, il fallait s'éloigner de manière significative d'Elfrona. Comme en surface, l'espace entourant la planète était une masse tourbillonnante de champs magnétiques et de déformations gravitationnelles. Il n'y avait aucun risque que les Nihil s'échappent avant qu'Indira et lui ne les rattrapent. Et ensuite, eh bien la Force serait son guide. Il ne souhaitait pas la mort de ses ravisseurs. Il ne voulait la mort de personne, jamais. Mais parfois, avait-il réalisé, les gens déterminaient par eux-mêmes leur fin. Et il n'y avait rien, semblait-il, que lui ou même la Force puisse faire pour l'éviter. Bah, il ne fallait pas être si fataliste. Il ferait tout son possible pour sauver chaque vie à bord de ce vaisseau, mais les innocents auraient la priorité et la ligne entre l'innocence et la culpabilité avait été clairement franchie lorsque les Nihil avaient choisi de jeter un enfant dans le vide. Il pressa la commande de la com. « Belle, tu me reçois ?»« Maître !» vint aussitôt la réponse. « As-tu... »« Oui !» s'exclama Belle. « J'ai réussi à l'attraper et on a rejoint la surface en douceur. Elle s'appelle Bi. » Elle s'inquiète pour son frère et son père, mais elle va bien. Le visage de l'Oden se fendit d'un large sourire. Je savais que tu pouvais le faire, petit. En ce qui me concerne, rien de ce que le conseil pourra te proposer pour tes épreuves ne dépassera ce que tu viens d'accomplir. Je vais faire la demande pour que tu sois élevé au rang de chevalier Jedi dès qu'on en aura fini avec tout ça. Vous êtes sérieux ? Je suis sérieux. Tu m'as entendu, hein, Indira ? « Absolument, l'Oden !» résonna la voix d'Indira Stokes dans la com. « Tu vois, Belle, c'est acté. Mais il faut que tu emmènes Bi à l'avant-poste. Sa mère est là-bas, avec Porter. Dis-lui qu'on va lui ramener le reste de sa famille en un rien de temps. Assure-toi que Porter lui donne un peu de ragoût. »« Je pense que je vais aussi lui présenter Tison. »« Parfait. Je vais devoir couper, Belle. Indira et moi avons du pain sur la planche. » J'ai hâte de pouvoir fêter cet adoubement, chevalier Jedi Zetifar. Maître, merci. Je ne suis plus ton maître, Belle. Tu es un chevalier Jedi. Pas tant que le conseil ne l'aura pas déclaré. Et je veux que vous soyez là quand ça arrivera. Que la Force soit avec vous. Elle y est, Belle. Ne t'inquiète pas. À très vite. L'Oden bascula le commutateur de sa com et reporta son attention sur le vaisseau des Nihil. Ils étaient à portée de laser et, comme on pouvait s'y attendre, quelques décharges fusèrent dans leur direction en provenance du canon arrière de l'appareil. Indira et lui virèrent sur le côté, leur vecteur se déplaçant comme s'ils ne faisaient qu'un, et ils esquivèrent les tirs sans difficulté. Sa com se mit à grésiller. « Comment veux-tu faire ça, L'Oden ?» lui demanda la Jedi. Nous avons l'un comme l'autre de la place pour un passager, et il reste deux Blight à bord de ce vaisseau. Je vais les faire ralentir. Pendant ce temps, tu récupères le premier, puis je m'occupe du second. Et c'est tout ? C'est tout. Je n'aime pas trop entrer dans les détails. Entendu. Je te suis. L'Oden accéléra, faisant atteindre à son vecteur une vitesse qui ne tarda pas à dépasser celle des Nihil. Prépare-toi. Dit-il à l'intention d'Indira et, dans une certaine mesure, à la sienne. Il poussa ses leviers de commande, vers l'avant puis sur le côté, et se projeta simultanément dans la Force pour saisir les gouvernes réactives du vecteur et les booster. Ce faisant, il réalisa une manœuvre qu'aucun pilote autre qu'un Jedi n'aurait été capable de réussir. Dans la com, il entendit Indira étouffer un petit cri de surprise et ne put s'empêcher d'esquisser un sourire. Le vecteur monta en spirale et passa au-dessus du vaisseau des Nihil. Il tournoyait comme une mèche, échappant à tous les tirs frénétiques provenant des canons ennemis, et termina sa course nez à nez avec l'appareil des Nihil. Il volait toutefois en arrière, en se maintenant exactement à la même vitesse que le vaisseau adverse. Il était assez près de lui pour que ses canons soient dans l'incapacité de le prendre pour cible, et tant qu'il resterait là, il serait à l'abri. Mais plus important encore, il pouvait voir clairement l'intérieur du cockpit où une femme à l'air paniquée pilotait le vaisseau. C'était une Neel, la première qu'il voyait sans son masque, et elle ressemblait à une personne. C'était une humaine assez jeune, aux cheveux courts et en bataille, avec des traces de poussière rougeâtre sur le visage héritées de leur fuite échevelée à travers les plaines d'Elfrona et deux rayures bleues en zigzag peintes sur sa joue. Une enfant de la Force, comme tant d'autres. Mais la Force ne prenait pas les décisions pour vous. Et cette personne en particulier s'était rendue coupable d'actes horribles, que ce soit par nécessité ou par choix. L'heure des comptes avait sonné. L'Oden lâcha l'un des leviers et effectua un geste lent et transversal de la main sans quitter la Neel des yeux. « Vous allez ralentir votre vaisseau et ouvrir la trappe de votre sas extérieur. » À travers le transparacier du cockpit, il vit les lèvres de la femme bouger pour répéter ce qu'il venait de dire. L'Oden gardait le contact mental pour les cas de force majeure. Mais si ce n'en était pas un, alors il ignorait ce qui pouvait en être. Elle n'avait pas besoin d'entendre ce qu'il avait dit. La technique portait bien son nom. Un contact mental, c'était tout ce dont on avait besoin. L'Oden garda les yeux rivés sur la pilote pour maintenir le lien au cas où il aurait à lui donner d'autres instructions. Il sentit le vaisseau des Neel ralentir, puis Indira s'approcher et venir placer son vector à côté de l'appareil. Il savait qu'elle allait devoir sauter dans le vide pour atteindre le sas. Mais ce ne serait qu'une question de secondes. Et l'Ordre Jedi enseignait à ses membres des techniques pour survivre aux conditions extrêmes de l'espace. Ces méthodes ne fonctionnaient qu'un temps restreint, l'espace restait l'espace après tout, mais il savait qu'Indira saurait faire le nécessaire. En fait, la Force lui souffla qu'elle s'était déjà lancée. Il perçut un vent de panique à l'intérieur du vaisseau, mais tout redevint calme rapidement. Il ignorait si Indira avait utilisé le contact mental à son tour ou si elle avait été forcée de tuer les autres Neel. Il savait qu'ils étaient plusieurs à avoir survécu aux événements sur Elfrona. « Ce sera bientôt fini », pensa-t-il. Une fois qu'Indira aurait terminé le travail et extrait le premier Blight, l'Oden pourrait s'introduire de la même manière dans le vaisseau des ravisseurs. Il ferait en sorte de le neutraliser pour permettre aux pirates survivants d'être arrêtés par les escouades de sécurité d'Elfrona ou bien par un appareil de la République. Puis il pourrait raccompagner son passager tout juste libéré à la surface pour qu'il y retrouve sa famille. On faisait pire comme journée de travail, tout bien concis. Sorti de nulle part et se matérialisant tout autour de lui, des vaisseaux. Beaucoup de vaisseaux émergèrent de l'hyperespace et les encerclèrent, lui, l'appareil des Neel et le vector d'Indira. Cela aurait dû être impossible. Tant d'appareils effectuant un saut aussi coordonné et aussi près d'une planète. Mais les vaisseaux étaient bien là. Il y en avait un nombre incalculable et de toutes sortes. Il repéra un grand bâtiment au centre, aux lignes pures et menaçantes, et tout autour de lui, une nuée d'autres, plus petits, mais tous, sans exception, arboraient sur leur coque trois zigzags étincelants. Encore ces éclairs. Encore les Neel. La cloison avant de la passerelle du Lournadi n'était qu'une immense baie d'observation faite de transparaciers triplement trempés dans une matrice à noyaux de diamants. À travers elle, l'Ournadi repéra ce qu'elle avait été envoyée récupérer près de cette planète esselée. Une nef de nuages endommagée, avec laquelle l'équipe de Dent Margrona s'était rendue sur Elfrona pour capturer une famille qu'ils espéraient échanger, contre une rançon à leurs proches fortunés d'Alderaan. Près de l'appareil se trouvaient deux de ces petits vaisseaux Jedi pénibles. Des Vectors. L'un volait juste devant la nef de nuages, si près qu'on pouvait s'étonner que les deux vaisseaux ne se soient pas encore percutés. Mais elle avait entendu dire que les pilotes Jedi pouvaient faire des choses incroyables. Grand bien leur en fasse. Ils étaient deux pauvres Vectors contre une tempête entière de Nihil à présent. Le premier appareil se dégagea de sa position face à la nef de nuages, avec pour objectif manifestement soit de s'enfuir, soit de se mettre en position d'attaque. L'Ournadi renifla de dédain. « Bonne chance, mon petit !»